aurait pu entraver notre amitié. Mais je me suis rendu compte qu'avec le temps, mes sentiments pour toi avaient changé. Mais avais-je vraiment le droit d'aimer? J'ai décidé de ne rien dire pour ne pas tout gâcher. Je te laissais venir à moi pour ne pas tout fâcher. Mais maintenant ton avenir est pour toi tout tracé. Et c'est avec lui que tu passes des nuits à t'enlacer. Et quand tu danses avec lui, tu ne sais pas à quel point ça me peine quand tu danses avec lui. Moi j'ai mal mais ça tu ne le vois pas quand tu danses avec lui. Tu ne sais pas à quel point ça me peine quand tu danses avec lui. Quand tu danses avec lui et que tu danses pas avec moi. Tu m'as tout raconté, pourtant j'aurais préféré ne rien savoir. Tu m'as tout relaté du premier baiser, jusqu'au détail de ce que vous faisiez le soir. Pendant que je t'écoutais, mon cœur lui se brisait. Mais je faisais tout pour que tu ne puisses pas le voir, car au fond je nourrissais l'espoir. Tu serais seulement le passage de la durée. Maintenant tu pars, mariage, maison, voyage, bébé. Tu es sur ton nuage. M'a l'air comblé. Mon amour est pris en otage par notre amitié. Et quand tu danses avec lui, tu sais pas à quel point ça me peine quand tu danses avec lui. Moi j'ai mal mais ça tu ne le vois pas quand tu danses avec lui. Tu sais pas à quel point ça me peine quand tu danses avec lui. Quand tu danses avec lui et que tu danses pas avec moi. Que ça peut me faire, t'as envoyé mon cœur dans une autre stratosphère. Le fait de voir à ses côtés me fait vivre l'enfer. Je l'aurais.